Dans ton union, nous marcherons la main dans la main. Prenons l'assurance et la paix, la charité. Dans ce monde où il n'y aura ni paix ni atrocité, tu règneras à jamais. Entre cieux et la terre, couronnés dans nos âmes, pour l'éternité. Dans les cieux et la terre, oui je sais, rien ne brisera. Dans les cieux et la terre, oui je sais, rien ne brisera ton pouvoir. Oh oui, rien ne brisera. Là tu seras la lumière de la terre. Le lion et l'agneau étant tous ensemble, tous nous serons changés en un clin d'œil. Tu règneras à jamais entre cieux et la terre, couronné dans nos âmes pour l'éternité. Dans les cieux et la terre, oui je sais, rien ne brisera. Dans les cieux et la terre, oui je sais, rien ne brisera ton pouvoir. La lumière de la terre, le lion et l'agneau étant tous ensemble, quand tous, tous seront changés en un clin d'œil. Tu règneras à jamais entre cieux et la terre, couronné dans nos âmes pour l'éternité. Dans les cieux et la terre, oui je sais, rien ne brisera. Dans les cieux et la terre, oui je sais, rien ne brisera ton pouvoir. Don't.